Voilà, maintenant une petite dédicace de Florent Lima pour lui-même. Il aimerait écouter, je suppose que c'est aussi pour sa famille et ses amis. Il aimerait écouter donc. Sabes por quê? Sabes. Pour contester Blan, il avait un cancer à la radio Arc-en-Ciel. Ah, d'accord. Donc, comme lui, regardez où il y était. Donc, ouais. Voilà. Il y avait Christophe, il y avait plusieurs artistes. Donc, lui, il veut réécouter, donc, du coup, Christophe. Allô DJ. Ah, vamos latin. DJ. Ouais, ouais, on mente. Agora? Non, on s'amuse.